mélomanes, bonjour. Le disque que vous êtes en train d'écouter est distribué par la Diffusion Phonographique Populaire. Il vous a été remis gratuitement ou en échange d'une participation, pas forcément financière, aux frais de duplication ou de port. Merci de le copier à l'identique, si possible à plusieurs exemplaires, ainsi que sa pochette, et de le distribuer autour de vous. Merci de votre attention, et maintenant, place à la musique libre.